Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Petite pastille news, parce qu'on avait envie. Et puisqu'on a envie de troller un petit peu. Donc on va parler de différents trailers. Alors au menu, on va commencer par... qu'est-ce qu'on pourrait commencer par exemple par... petite mise en bouche avec Spider-Man Far From Home. Avec Spider-Man Far From Home, ouais. Certainement. Et ensuite, on dérivera un peu sur les séries Watchmen et Swamp Thing qu'ils ont présenté, leur premier, on va dire, premier teaser, parce que bon, c'est plus des visuels un peu épars qu'un véritable récit. Et on reviendra aussi sur un petit mot sur le trailer de Sonic, justement, où là, il y aura beaucoup à dire, justement. Je pense que c'est la partie qui va être la plus drôle à écouter. Ouais, ouais. Donc, je te propose déjà de commencer avec le premier, le trailer qui était attendu depuis quelques mois là, et qui est sorti juste après Avengers Endgame. C'est le trailer de Spider-Man Far From Home, donc de John Watts, avec on retrouve Tom Holland au casting. Et oui, Tom Holland qui est revenu. Et oui, d'ailleurs, moi, juste une aparté dans ce trailer, on voit Tom Holland dire « Si vous n'avez pas vu Endgame, zappez, parce que c'est un bon trailer. » Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais. C'est monsieur spoiler, et puis... C'est un peu ridicule, parce qu'on sait quand même que, je vais dire, 75% de la population mondiale a vu Avengers, à mon avis, mais bon, vu le déferlement de louanges et je dirais de podcasts qui peuvent exister dans le monde... D'ailleurs, aux Philippines, ils ont vu le film à la télé. C'est vrai? Ils ont passé une copie pirate à la télé. Donc avec plein de logos pourris, tu sais, là, les trucs... voilà, quoi. Mais bon, ça, c'est pas mal comme truc. Puis, d'un autre côté, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que il y a quand même des imbéciles sur Terre, et il y en a un qui a commencé à hurler dans la salle de cinéma, dans un couloir de cinéma, qui a spoilé la fin. Donc le mec s'est pris quelques claques et quelques coups de pied apparemment, donc c'est quand même ridicule d'en arriver là, je veux dire, c'est du divertissement les mecs, hein, faut quand même vous calmer quoi. Ouais, puis voilà, on n'est pas des fans de Star Wars, hein, vous battez pas. Ça aurait été pour Star Wars 8, le mec aurait dit par exemple, ouais Star Wars 8 c'est génial, c'est plus... J'ai dit, bon, il y a inexcusable ce mec là, mais bon. Ou alors on se serait peut-être levé pour le tabasser. un ou deux coups de pompe en plus, ça fait déjà du mal, tu vois. Pour l'exemple. Voilà quoi. Mais trêve de troller de troll, on va dire. Et pas un podcast sans parler Star Wars. Hein. Vous avez remarqué qu'on est bien déchaîné. Mais bon, trêve de troll. On va parler un petit peu de ce trailer. Donc tu disais que il est introduit par Tom Holland qui nous invite gentiment à zapper si. Mais bon, moi je trouve que quand même le montage en lui-même n'est pas trop subtil. C'est-à-dire qu'ils auraient quand même pu se focaliser. Débuter directement par la mission avec Nick Fury, parce que en fait c'est ça le film, c'est que Speedy est engagé par Nick Fury pour justement contrer une menace qui s'appelle les élémentaux. Tu connais un petit peu les élémentaux? Bah, les élémentaires, ouais, je connais Hydro Man, Sandman, ouais. Jean-Jacques Goldman, enfin tout les trucs comme ça. Mais là je comprends pas, parce que les élémentaux c'est pas quelque chose qui arrive très très vite normalement dans la vie de Spider-Man. Moi, ce qui m'a beaucoup plus choqué dans les trucs, c'est pas le fait qu'il va affronter des élémentaux ou même qu'il est mystérieux, c'est que il parle d'univers parallèle direct, quoi, dans le trailer. Ouais, en fait, ça fait un peu gros spoiler sur le multiverse. C'est que Mysterio arriverait d'un autre univers, hein, quoi. On balance déjà le multiverse, alors qu'on vient à peine de terminer la saga du Gant de l'Infini, quasiment. Et est-ce que ça va être vrai cette histoire? Est-ce que c'est pas aussi une manipulation de Mysterio? Parce qu'on sait que Mysterio dans le comic c'est quand même pas un bon gars, pas du tout même. C'est l'un des méchants les plus connus de l'univers de Spider-Man. Et là il est incarné par Jake Gyllenhaal, un acteur que j'aime bien par hasard, que j'aime bien en passant. Mais c'est de dire Jake Gyllenhaal, pour l'anecdote, il devait jouer dans un Spider-Man et dans le Spider-Man 2 parce que si on se souvient bien, Tobey Maguire n'avait pas trop l'intention de reprendre le rôle dans le numéro 2. Et c'était Gyllenhaal qui était prévu. Et là, apparemment, il intègre l'univers, mais dans le rôle d'un vilain, enfin un vilain entre guillemets, vu qu'apparemment ils vont faire équipe ça, quand même. Dans ce trailer, quelques effets spéciaux assez impressionnants qui rappellent un peu la momie ou même le Sandman de Spider-Man 3, j'ai envie de dire. On se rapproche plus de la momie que du Sandman. Ouais. Il y a eu un moment, j'ai l'impression de voir des trailers pour Transformers aussi. Donc, il y avait la bête qui sortait du sable avec tout le sable qui décollait. Mais à un moment, j'ai eu l'impression de voir ça. Je me dis, tiens, ouais, c'est ça. C'est un fan truc. Ah non, non, c'est une vraie bande-annonce. Non, non, c'est un trailer. Mais bon, on est un peu dans le ton du précédent film. Hein. C'est un peu la jeunesse qui se balade à travers le monde. Ils vont à Londres, ils vont à Venise. Et c'est bien de voir hein, qu'en 5 ans, ils n'ont pas vieilli. J'allais justement aborder le sujet, c'est que la classe de Peter, bah, en 5 ans, ouais, enfin, tu spoil un peu, mais bon. Mais c'est vrai que, ouais, il y a une cure de jouvence, quoi, carrément, quoi. Bah, en fait, voilà, c'est toute la classe à Peter qui s'est fait vaniche par le claquement de doigts de Stanos, et puis c'est tout, ouais, quoi. Ouais. Le hasard est bien fait. C'est pas terrible, j'ai quand même l'impression que c'est une grosse erreur de scénario, mais bon. Ouais, ils vont essayer de se raccrocher comme ils peuvent. Ouais, ouais. Ça devrait clôturer normalement la phase Infinity Gauntlet, donc 3, la ouais. phase 3. Mmh. Puis je pense que ça va relancer une nouvelle phase. Hein. Je pense que l'intérêt de ce film est juste là, relancer une phase et voir ce qui va se faire dans le futur. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé des différents costumes de Speedy? Est-ce que tu trouves pas que c'est pas un peu excessif? Enfin, moi j'ai trouvé pour ma part que d'avoir un costume bleu, un costume noir, un costume furtif, enfin, qui est complètement, tu sais, en commando. Et limite, à part un quatrième costume qu'on connaît pas encore. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu excessif. On tombe un peu dans le Spidey qu'on connaît pas tellement, qui sort un peu des films de McGuire, même de ceux de Garfield, quoi. On va se rapprocher d'un Ultimate. Ouais. En fait, dans l'univers Ultimate, on le voit, un Spider-Man noir, Spider-Man mécanique, comme Iron Spider ou tous les trucs comme ça, on les voit dans les univers Ultimate, mais c'est pas Parker. Dans les univers Ultimate, ouais. Voilà, c'est tout des. Il y a Ben Reilly, il y a Cho, il y en a d'autres. Miles Morales aussi peut-être. Ouais, Morales. Il y a même Gwen, enfin qui arrive. Spider Gwen, ouais. Spider Gwen. Et puis là, j'ai l'impression que ils ont essayé de mettre tous les personnages, mais juste pour Peter Parker. Quoi. Tu l'as pas vu le New Generation Non, New Generation, je l'ai pas vu. Pas qui est très bien, mais bon, moi l'animation c'est pas trop mon truc. Mais j'essaierai de jeter un coup d'œil parce que il a de bonnes critiques ce film, notamment bon, beaucoup de geeks, mais bon. Mais voilà quoi, dans un temps. Bon, Mysterio, moi je trouve qu'il est assez fidèle au personnage, c'est-à-dire qu'on retrouve cette espèce de fumée verte que toi tu qualifiais de comment tu me l'avais dit tout à l'heure. Bah, on dirait que c'est Tony Strange en fait. C'est-à-dire Tony Strange. Un mélange entre la technologie Tony Stark et. Le psychisme du camartage. Ouais, le côté mystique du personnage. Quoi. Ouais, ouais, il y a cette lutte. Bon, on voit 2-3 scènes. Il y a plein de fumée. En fait, ils ont gardé le côté un peu avec cette boule qu'il y a là sur la tête qui pouvait être ridicule. Hein. Faut avouer que ça pouvait être ridicule hein, à l'écran. Et en fait, là, je trouve que ça rend plutôt bien. Quoi. Enfin, je sais pas, moi, ce que t'as lu des comics de Spider-Man. Est-ce que cet aspect mystérieux, il t'a un petit peu interpellé ou est-ce que t'as trouvé ça plutôt réussi quoi? Bah moi, sur l'aspect mystérieux, je connais plus que celui de l'univers Ultimate, c'est-à-dire le vilain pas beau qui meurt vite hein, dans l'univers ouais, Ultimate. D'accord. Et après, sa fille qui veut prendre le relais, mais que Peter lui dit, en gros, hein, comme Vénus des Tortues Ninja, c'est pas bien d'être méchant, faut être gentil, puis elle devient gentille. Quoi. Ouais, alors est-ce que t'attends à une pirouette ou à une trahison de Mysterio là? Parce que je pense que ça va être la grosse question du film quoi. Bah, j'espère qu'ils seront nous surprendre, parce que si c'est juste Mysterio versus Spider-Man, bon là, ça m'embêterait un peu, parce que voilà, enfin faut voir après si. Enfin, c'est des twists vus et revus, tu vois, le gentil. La trahison, qui est méchant, tu veux dire, voilà. La notion de trahison toujours. Non, puis même le gentil qui est méchant, ouais, dans Tempête de Boulettes Géantes 2, voilà, c'est pareil, hein, c'est le gentil qui est méchant, etc. Je connais pas. Donc, c'est des trucs. Ah oui. Les trucs qu'on a vus et revus qui m'intéressent pas plus que ça, mais après, voilà, c'est pas mon intérêt qui compte, c'est de relancer toute la phase. Moi, je trouve que pour Tom Holland, c'est trop de poids sur ses épaules de relancer une phase ou de relancer un super-héros. Ouais, c'est clair que lui, c'est que. Bon, apparemment, il est tenu au secret maintenant, vu que. Ah bah même il a tendance à s'exprimer, le mec. Avant, il y avait des scènes post-crédit, et là, il y a une scène pré-crédit pour dire faites gaffe, les mecs, il y a des spoilers. Comme par hasard, c'est Tom Holland qui l'annonce, tu vois, ça fait un peu méta, quoi, quelque part. Ouais, ça fait complètement, c'est la prod, elle est derrière, avec un fusil, je suis obligé de dire, il y a des spoilers. Ouais, c'est ça. Et, ouais, non, mais, moi, ce que j'aime pas dans les nouveaux Spider-Man, c'est cet aspect un peu trop juvénile. C'est-à-dire que dans les vieux Spider-Man de Sam Raimi, il y avait encore cet esprit un peu adulte. On entre dans l'âge adulte, on pouvait plus facilement s'identifier. Là, moi, je me suis dans dans Homecoming, et je me suis pas retrouvé, quoi. Ah, c'est normal, t'es pas la cible. Ouais, c'est ça. Enfin, on n'est pas la fille, cible, parce que je suis pas jeune non plus. Non, c'est, on vise carrément une cible jeune, hein, juvénile, ouais, comme tu dis. Je pense que voilà, ça s'adresse, ben, ils font un voyage scolaire, ils se retrouvent imbriqués dans des trucs qui les dépassent. Bon, bah, c'est pas nous, hein, les voyages scolaires, c'est plus nous. Hein. Nous, on est plus dans les séminaires d'entreprise que dans les voyages scolaires maintenant. Donc, ouais, on n'est pas la cible. On est plus Captain America et Iron Man, quoi. C'est plus de notre âge, on va dire. Voilà, quoi. Bah, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce trailer. Bon, qui est un second, qui. On va aller le voir, hein, quand même, parce que c'est un Marvel. Bah, ouais, puis pour voir un peu s'ils ont remis des scènes post-crédit à la fin. Il y a peut-être Rogers qui va arriver, qui va revenir, on ne sait pas. Spider Rogers. Ah oui, je ne sais pas. En tout cas, bon, pour les prochains films, on pense à Black Panther 2, il y aura Doctor Strange numéro 2. Là, j'ai vu récemment qu'il voulait faire une adaptation de Ching, je sais plus, le Ching Cha. Un personnage, je suis un peu ridicule quand je dis ça parce que je me souviens plus vraiment du... c'est un personnage, en fait, qui se veut une espèce de dérivé de Bruce Lee, mais sur Marvel Comics. Non, je connais donc pas. Donc, il fait du kung-fu et puis ils veulent un personnage qui fasse du kung-fu, quoi. Ouais, ils l'ont déjà, hein, il s'appelle Iron Fist. Non, mais Iron Fist, c'est un ratage, quoi, faut le dire. Mais c'est vrai qu'Iron Fist avait tout à fait raison, c'est ce point-là. Mais là, ils veulent mettre un Asiatique en valeur, quoi. Mais quelqu'un qui pratique les arts martiaux à plein temps. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ce genre d'histoire, mais bon. Voilà, quoi. Après, ça va être incroyablement dur de se renouveler, déjà, parce que, ben, avec les bases qu'ils ont posées sur les anciennes phases, ben, c'est quand même colossal, hein, le piédestal du MCU est quand même colossal. Et remettre des nouveaux trucs, on devient plus méta maintenant. Là, il y avait une rumeur comme quoi ils voulaient faire un truc avec le tribunal vivant. Personne risque d'accrocher, hein, c'est des trucs complètement métaphysiques. Hein. Ouais, t'as parlé aussi de tribunal vivant, mais moi je parlais aussi de l'élément d'adaptation des Éternels, de Jack Kirby. Ouais, c'est ça, hein. C'est tribunal ça vivant, le tribunal vivant. D'accord. C'est comme entité mort ou entité éternité ou les trucs comme ça. C'est hyper mystique et à la fois cosmique. C'est un petit peu difficile à aborder, quoi. Ouais, puis c'était au moment où ils étaient à court d'imagination aussi. Hein, ouais. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a de plus fort que nos super-héros. Puis ils ont mis des entités comme ça. Ouais, ouais. Que Thanos arrive à battre d'ailleurs. Enfin, ça, c'est du spoiler. Ouais, ouais. plus, mais bon. Mais voilà, enfin, moi, déjà, le garde d'honneur, ils avaient essayé de le mettre et puis ils ont fait le mettre à la place. Le jardinier, ils avaient essayé de faire. Mmh. Ils ont mis le maître, et puis on sait pas que c'est des éternels. Même le collectionneur, c'est un éternel, mais... Voilà, on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est un mec qui collectionne des trucs, c'est tout, quoi. On nous amène pas trop sur le terrain. Après, ça ferait partir le MCU sur une phase cosmique, là, littéralement. Ouais, ça avait commencé avec Captain Marvel, déjà. Ouais, ça avait commencé avec Captain Marvel, et puis... Moi, le seul espoir que j'ai, c'est de pouvoir rapprocher des personnages comme Norrin Rad ou des trucs comme ça qui ont quelque chose à raconter, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Silver Surfer, c'est pour moi un incontournable du MCU. Il faut l'intégrer. Même si, apparemment, pour le moment, ils sont pas trop Kevin Feige qui est à la tête de tout ça. Il est pas trop décidé à mettre les X-Men ni les 4 Fantastiques. Mais il va falloir qu'ils exploitent quand même des personnages secondaires qui sont vachement populaires, quoi. Ouais, pour l'instant, ils vont pas faire ça parce qu'il y a encore des licences X-Men qui tournent, notamment Dark Phoenix qui va sortir bientôt. Mais je pense que dans moins d'une décennie, je pense qu'ils vont tomber dans le piège et puis que... Tu vas avoir les 4 Fantastiques, quoi. Ouais, il va y avoir un gros crossover avec tout le monde, quoi. Ouais, tu vas avoir les... Ouais, en fait, ils préparent peut-être leur Secret Wars, futur Secret Wars. Ouais, maintenant qu'ils ont sauvé les Skrulls, ils pourraient. Donc, un blindage de CGI et de fanservice, quoi. Ça va être Ready Player 2. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Spider-Man. On va passer une autre bande-annonce. À moins que tu veux reprendre un petit peu ton souffle. Non, allez, on enchaîne. On enchaîne. On est, on est motivé. Là. Je vais parler de Swamp Thing pour parler un petit peu d'une licence qu'on connaît. Donc, le Swamp Thing, c'est une création de Len Wein qui date de 1971. Donc, c'est très vieux, hein, comme personnage. Édité chez DC Comics. Alors son histoire, c'est que c'est un savant qui s'appelle Alec Holland, encore une fois. Ni Tom Holland, ni François Holland, hein. Cette fois-ci c'est Alec. Donc Alec, il expérimente des produits chimiques, et puis ce qui se passe, c'est qu'il a un accident, et puis il tombe dans les marais. Et apparemment, c'est pas son corps qui fusionne, mais c'est son esprit qui fait en fait devenir une espèce de créature qui peut un peu se balader, se téléporter un peu partout dans les marais ou dans tout ce qui est végétal. C'est ça un peu l'histoire pour moi. Bah, en gros, il voyage dans son propre réseau sporique à lui-même. C'est ça. Mais bon. Et bah, par contre, l'histoire que je connais, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il avait découvert des produits, c'était dangereux. Et du coup, c'est des gens qui l'ont jeté dans le marais. Ça, c'est dans le film, je crois, ouais. Ça, c'est dans le film. Et c'est un peu dans Justice League Dark, ce que j'avais compris, quoi. C'est ça, il y a Justice League Dark. Parce que, ouais, parce qu'il y a, il y a John Constantine aussi qui intervient de temps en temps dans le comics. Et, bah, justement, tu parlais du film. Et, en fait, From Thing, il y a plusieurs versions. Il y a celle-là. Il y a celle d'Alan Moore. Alan Moore, dont on parlera après, pour Watchmen. Mais, Alan Moore a un petit peu renforcé, on va dire, gonflé un petit peu les pouvoirs du personnage. Pour le rendre un peu moins uniforme, on va dire. Et dans le film de Wes Craven, justement, qui est le réalisateur de Décrypte de la nuit, il y a ce côté un peu horreur qui revient avec, justement, ce complot avec un savant fou qui veut récupérer toutes les connaissances de ce professeur. Et lui, il intervient en tant que créature des marais, parce que c'est ça le titre français, je sais pas si on l'avait signalé. Ouais, un titre français, c'est La créature des marais. La créature du marais, qui, moi, se revendique un petit peu de La créature du lac noir des années 50. Donc, c'est une séance mémorable, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'émission, la dernière séance, où il fallait mettre ses lunettes en 3D pour voir effectivement la créature. Bah, je suis un peu plus jeune que toi, donc non, tu l'as peut-être pas. Il l'a peut-être pas connu, mais c'était juste pour le souvenir. Et pour moi, ça m'a rappelé un peu ce classique de Jack Arnold dans les années 50. Voilà quoi. Et dans cette nouvelle version, bah il est question, on voit dans ce trailer. Ah oui, il y a eu deux films. Donc un premier film que je trouvais un petit peu divertissement et assez réussi, et un deuxième qui est complètement nanardesque. Et il y a aussi une série. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, bah on voit le personnage apparaître dans divers films d'animation en fait. Donc Justice League Dark. Ouais, Harley Quinn versus Batman ou tous les trucs comme ça, mais c'est, il a plus un rôle secondaire. C'est ça. Dans Justice League Dark, faites des noms un peu moins compliqués, les mecs. C'est plus le truc qui est là pour passer le temps en attendant qu'on trouve un plan. Ouais. Et dans Harley Quinn, il sert à rien. Il dit, ouais, je suis Swamp Thing, machin. Puis il dit, oh, bah, c'est pas mes oignons, je me casse. En gros, hein. Ouais. Puis t'as Justice League Dark, c'est, il est dirigé par Batman, cette affaire, parce que, il y a Constantine, il y a Zapata. Qu'est-ce que je raconte? Alors, il y a Achille Zapata. Zatanna, c'est ça? Alors, il y a Zatanna, il y a Constantine, il y a d'autres qu'on a oubliés, il y a Swamping, ils sont pas importants. Il y a Deadman. Ouais. Puis, bon, voilà, c'est un peu le côté obscur. C'est le côté magique, quoi. Magie noire de. Ouais, c'est la magie noire de la Justice League, quoi. Ouais. Ça change un petit peu des traditionnels Batman ou Wonder, la Trinité, quoi. Donc, Ce qu'ils essayent, en fait, c'est de mettre un petit peu de tout à chaque fois, tu vois. Ils ont exploité le Time Flash Paradox, par exemple. Ouais. Et quand ça accroche, ils font une suite. Et quand ça accroche pas, ils arrêtent. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, moi, j'avais bien aimé ce film d'animation. Puis en général, les films d'animation d'ici, ils sont pas trop mal faits, je trouve. Bah, si tu regardes le film Wonder Woman d'animation d'ici, il est quand même bien. Ils se moquent même d'eux-mêmes en disant qu'ils se font sauver par des pin-up, hein, quoi, littéralement. Ouais. Et là, dans Justice League Dark, c'est un peu. Moi, ça me fait du bien de voir Constantine, que je connaissais pas plus que ça. Ou alors, je sais plus comment il s'appelle, Etrigan, le démon. Tu vois, c'est des personnages qu'on voit pas souvent et que moi j'aime bien revoir un petit peu. Ouais, c'est ça. Puis il faut dire que les longs-métrages Suicide Squad, ils sont quand même plus réussis que le film, quoi. Ça, c'est autre chose. Voilà, je vais revenir sur ce trailer. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais je vais te laisser la parole pour dire quelles impressions t'ont laissé cette espèce de teaser, quoi, finalement. Tu vois, tu parlais de Wes Craven tout à l'heure. Ouais. Bah, ça me fait penser au film un peu entre le nanar et entre le film d'horreur qu'on consommait en même temps que du popcorn. Ça m'a fait pas penser à plus que ça. C'est un teaser où il y a que des passages un peu horrifiques à la Paranormal Activity ou à la forêt Blair Witch. Ouais. La sorcière de Blair Witch. D'ambiance, que tu veux dire. Ouais, ouais, d'ambiance, hein, bien sûr. C'est pas du fond de footage non plus. Ouais. Voilà, ça m'a juste fait penser à ça. Puis à un moment, bah, on voit la gueule à Swamp Thing, c'est tout, quoi. Ouais, et encore, je trouve qu'il est quand même pas mal planqué, on le voit sur d'autres images, mais là-dedans il est pas montré ouvertement, il est montré à travers quelques plantes qui se baladent sur le sol, par exemple, où il y a l'actrice principale qui est là, qui est l'espèce de savante. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance. Moi, ça m'intéresse de le voir parce que un petit peu ambiance horrifique, ça change des super-héros traditionnels avec leurs costumes qui brillent et tout. Là, c'est vraiment un petit peu plus crade, je vais dire, cet aspect. J'espère qu'ils vont aller un petit peu plus loin dans le glauque parce que je voudrais voir quelque chose qui innove dans le DC Universe. Parce qu'ils essayaient un petit peu de, même beaucoup de plagier les séries, les films Marvel avec une blague tous les 5 minutes, voire tous les 30 secondes. Bah, si tu regardes ouais. Shazam, c'est ça. Hein, ouais. Enfin, on en reviendra sur un thème sur Shazam plus tard, parce qu'on ne l'a pas encore, on va dire, établi. Mais c'est pas. Voilà, c'est. Ils avaient leur propre. Dans BVS, ils avaient leur propre truc, c'est-à-dire leur propre vision. C'était sombre, c'était sanglant. C'était pas gore, mais voilà, c'était une vision réaliste du monde. T'avais pas une blague tous les 30 secondes, ouais. À part Where is Martha. sinon. Et là, ils partent complètement dans c'est une blague involontaire, on va dire. Ouais, une blague à grand retardement. Ouais. Et là, ils partent dans des trucs un peu plus dark et où. Ouais, c'est dur, hein. C'est un terrain très glissant. Tu me dis que c'est nanar. Moi, je trouve pas que c'est nanar au niveau du trailer. Non, moi, ça me fait penser au nanar de l'époque. Hein. On voit pas le monstre et puis. Peut-être les styles Scream ou Souviens-toi l'été dernier, les films comme ça. Ouais, ou même les Mosquitoes ou les films comme ça. Hein, ça ah oui, mais ça, les Mosquitoes, t'es vraiment tombé dans le. Voilà, quand, tu, le vois, Z, quand tu voyais la bande-annonce, t'avais envie d'aller le voir, et quand t'allais au cinéma, tu dis, mais c'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça le problème. Moi, en tout cas, ça me donne envie d'en voir plus. La série devrait commencer le 31 mai. Je trouve qu'au niveau promotionnel, c'est un peu faiblard parce que ça arrive vite très vite. Mais c'est bon. Incroyablement discret. Hein. Tu m'en aurais pas parlé. Moi, la promotion, je l'ai ratée. Hein. C'est parce que moi, j'essaie de suivre les séries, mais malgré qu'il y en ait quand même pas mal, ça mitraille de séries, notamment DC qui n'arrête pas ces derniers temps avec que ce soit Doom Patrol ou Legend of Tomorrow ou les multiples saisons de Flash, Supergirl. Enfin, on sait plus où donner la tête avec ces séries. Ou Black Lightning, et pire c'est qu'ils font des crossovers ensemble pour forcer les gens à regarder toutes les séries pour comprendre ce qui se passe dans un crossover. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais les gens ils ont une vie aussi derrière quoi. Puis c'est pas forcément de la bonne qualité quoi. Bah c'est de la consommation. Ouais ouais. C'est à l'arrache quoi. Donc Swamp Thing, je pense que j'y jetterai un œil quand même parce que j'aime le personnage. Je voulais aussi signaler cette petite anecdote, revenir dans les années 71 justement. La même année, figure-toi que Marvel, Stan Lee, il allait inventer un personnage qui s'appelle Man-Thing. Et Man-Thing justement, c'est l'histoire d'un savant qui lui aussi se fait tuer et se réincarne dans la végétation. Alors j'ai dit bon d'accord, Stan Lee pour une fois il s'est pas trop cassé la tête, il a repris un petit peu le même truc. Voilà quoi. Et puis il y avait une adaptation qui était très mauvaise d'ailleurs, que je ne vous recommande pas du tout, de Man-Thing. Voilà, c'était juste une petite aparté. Avant qu'on passe, on parlait d'Alan Moore tout à l'heure, et puis on va parler de Watchmen, et puis on va commencer. Donc Watchmen, c'est une bande dessinée, enfin ce qu'on appelle un roman graphique maintenant, parce que c'est l'expression qu'il veut, d'Alan Moore et de Dave Gibbons, qui est sorti en 1986. Donc il y a un énorme pavé, hein, c'est vraiment le truc, c'est incontournable dans l'univers DC Vertigo, on va dire. Hein. Je sais pas si tu l'as pas lu, toi, le... Non, les Watchmen, c'est quelque chose que j'arrive pas à regarder, d'accord. Ça sort complètement de mes références. Même le film, j'avais eu du mal. Ouais, donc ton avis rapide sur le film de 2009 réalisé par Zack Snyder. Bah, je comprends pas, il a été super encensé ce film. Ah oui, complètement, ouais. Mais moi, je suis passé complètement à côté. C'était trop métaphysique pour moi, je pense. Avec c'était pas trop long du fait qu'il faisait 3 heures et quelques. Bah, déjà, ouais, quand c'est long, voilà, ils avaient écouté notre podcast sur Thanos, là, Endgame, après 3 heures de séance, on dort un peu. Et bah, là, c'est le genre de film qui me fait cet effet-là. C'est-à-dire que c'est trop long pour moi. Un milieu que je connais pas, mais bon, ça je demande qu'à connaître, mais du coup, il t'envoie tout dans la gueule en même temps, et conclusion, j'ai décroché. Ouais, je peux comprendre, parce que c'est assez contemplatif comme film, c'est bien fait visuellement, je pense que au niveau de l'allégorie, de l'imagerie de Alan Moore, c'est certainement l'adaptation qui est la plus fidèle pour moi, et à part peut-être la fin qui diffère un peu, mais... Il y a cette espèce un peu morose d'univers parallèle, de monde qui part un peu en sucette, on va dire. Ouais, c'est de l'Uchronie. Hein. Ouais, c'est ça, de l'Uchronie, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si... voilà. Bah, le fait est que le postulat de départ, c'est que l'Amérique a gagné la guerre du Vietnam et que du coup Nixon a été réélu plusieurs fois et il a fait n'importe quoi avec la politique et tout ce qui était du fait qu'il y avait Dr Manhattan qui le soutenait, quoi. C'est ça un peu le truc. Voilà. Moi, j'essaierai de le revoir. D'autant plus qu'il y a une version Director's Cut qui est encore plus longue que la version au cinéma. Bah autant je m'étais pas fait chier devant Seigneur des Anneaux, hein, version longue, mais autant là dans Watchmen. Ouais. Moi ça m'avait passé au-dessus. Ouais ouais. Donc t'es pas accroché. Et bon pour ce trailer, il faut quand même avouer que des images éparses avec tantôt on voit Don Johnson et Jeremy Irons pour les acteurs les plus connus, je veux dire. Mais il y a aussi cette espèce d'emprise d'une secte de Rorschach, comment il s'appelle Rorschach. La secte de Rorschach où qui passe à l'action, avec en arrière-plan l'horloge de l'apocalypse. Donc cette horloge qui en fait dans le film est un peu le jugement dernier, on va dire ça. Et c'est encore une fois un trailer qui est très morose, qui est très pessimiste. Enfin, de peu qu'on en voit, c'est un peu comme Swamp Thing, c'est une ambiance horrifique, mais pas aussi appuyé quoi. Moi je l'ai pas trouvé horrifique l'ambiance, ah ouais. J'ai trouvé incroyablement stressante. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Pas horrifique, ah bon, il y a pas d'horreur, c'est ouais, tu sens que le monde va pas bien quoi, c'est ouais. Tout quoi. Tu te dis ouais, ils sont tous tarés là-dedans quoi. C'est ouais, peut-être que horrifique ça correspond pas à ce que mais plutôt anarchique je vais dire. Ah ouais, là anarchique, ouais, ouais. Je suis tout à fait ouais, d'accord, ouais. C'est tout à fait le terme. C'est plus le terme qui convient. L'anarchie qui va régner sur les stats quoi, avec les sectes et les proliférations et puis Irons qui apparemment incarne Ozymandias qui était dans le film aussi. Voilà quoi. Bah moi je suis curieux d'en voir plus parce que Watchmen c'est tellement une licence qui est peu exploitée que moi ça m'intéresse et puis bon comme j'aime bien Jeremy Irons, Don Johnson n'est pas un mauvais acteur non plus. Donc je pense que ça peut donner un bon résultat mais il faut en voir plus. Et la série n'arrivera pas sur en plus c'est une production HBO donc ça peut être de qualité. Faut se le dire. HBO c'est Game of Thrones hein, il me semble. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Game of Thrones qui, en passant, génère beaucoup de. Il y a des mecs qui n'endorment plus. Ils n'endorment plus. Quoi. Je sais pas si t'as entendu cette histoire de personnes qui. Ils attendent jusqu'à 6 heures du matin pour avoir leur épisode de Game of Thrones. Ils savent plus se retenir, quoi, les mecs. Bah, c'est des grandes sagas qui terminent. On a eu la saga Star Wars qui va se terminer en 2019. Ouf. La saga Avengers qui va se terminer en 2019. Ouais, et la saga Game of Thrones qui va se terminer en 2019. Donc, il n'y a plus rien après. Je sais pas si la saga des Gilets jaunes se termine en 2019. Bon, ça continue, hein. Mais ça fait beaucoup de là, sagas. Qui 20, se ça fait 26 semaines, là, je pense. Hein, mais, c'est quand même, Game of Thrones, ça a quand même marqué son époque. Ouais. Même si je dois avouer que je n'ai pas vu un seul épisode de Game of Thrones. Moi, j'en ai vu deux et j'ai arrêté après. Ouais. Elle est trop de nichons pour moi, là-dedans. J'ai arrêté, quoi. Non, je sais pas, moi, c'est le stylé. Et puis, peut-être qu'il y a trop de séries. Et puis, je pense que je focalise sur certaines séries. Des fois, j'ai peut-être tort parce qu'il y a des séries que j'aurais pas dû regarder, mais bon. Ah, style... tort, je l'ai pas vu. En fait. Style les Runaways, donc c'était vraiment nul, mais bon. Ouais, même The Gifted, j'ai pas trouvé ça transcendant. Hein, ouais, non, mais exemple, c'était hein. Sympa, quoi. Mais c'est parce que X-Men, comme Légion, tu vois, Légion, j'ai arrêté aussi. Alors, Légion, c'est trop. Là, c'est voilà, ouais. Ce que je disais, ça me passe au-dessus parce que c'est trop psychédélique pour moi. Tu vois, il est là, il est plus là, il est dans sa tête, il est ailleurs, il est possédé, il est plus possédé. Ouais, ouais. Tout ça dans le même épisode, ouais, moi c'est des trucs qui me passent au-dessus. Ouais, mais pourtant les fans ont aimé l'univers, l'ambiance, le fait que le psychédélisme outrancier du truc. Même des années 60 transposées dans le monde moderne, je comprends que ça peut plaire. Graphiquement, ouais. C'était quand même bien, Légion, faut dire ce qu'il faut. Ouais, bah ça innove, je veux dire, visuellement ça innove, ouais. Mais là, c'est le genre de truc où j'ai du mal avec. Un peu puis comme là, Inhumans ou des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, bah Inhumans c'était carrément mauvais, hein. Moi, je crois que j'ai regardé les 5 premiers, j'ai même pas vu la fin. Tellement c'était nul, quoi. Bah, t'as rien raté. Donc, et puis là, il y a Krypton saison 2 qui va reprendre. Donc, j'ai vu la gueule à Brainiac. Ouais, bah, écoute, les incohérences, c'est plein d'incohérences, cette série. Oh, ouais, mais attention, alors, si Fabien, si vous décalez un truc de l'univers, c'est foutu. Vous avez ses foudres. Je vais appeler la foudre avec mon marteau, ça va pas aller, là. Non, mais c'est vrai que la continuité dans Krypton, c'est nul à chier, quoi. Il t'appelle Brainiac, il t'appelle Doomsday, il t'appelle Zod. Lobo, bientôt? T'as tout en même temps. Et Superman, il est même pas encore né, parce que de toute façon, c'est l'histoire du grand-père de Superman. Donc lui, il y a tous ces vilains qui arrivent en même temps, ça y est. Alors, je sais pas comment ça va faire. C'est un peu comme dans Gotham, tu vois. Le problème de Gotham, c'est que j'avais commencé à regarder les premières saisons. Et puis ils exploitaient tellement les vilains habituels de Batman, tu vois tous les vilains qu'on connaît, sans qu'il y ait Batman. Il y a Bruce Wayne est adolescent, il est même pas adolescent. Donc c'est Gordon qui doit lutter contre tous les vilains que Batman On sait qu'un homme normal ne peut pas vaincre des Mr. Freeze ou, tu vois, des Bane ou des... Enfin, tu vois, le rapport de force n'est pas égal, quoi, entre Gordon et les gros vilains, quoi. Bah, ça, c'est parce que, tu vois, Gotham, la série, c'est Gotham, c'est pas Batman. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, ils ont voulu faire une série qui s'appelle Gotham, parce que, bah, ils avaient pas les droits d'exploitation pour le Bat, hein, c'est tout. Mm-hmm. Mais, le problème, c'est qu'ils ont voulu prendre les méchants de Batman. Ça peut coller, mais si tu fais totalement abstraction que Batman existe, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'ils en font des rappels dans un peu les personnages qu'il y a pour dire, voilà, plus tard, bah oui, sera bien lui Batman. Oui. Mais sans jamais te dire, ouais, ça va, franchement, tu vois, ça va être Batman. Et ce qui fait que du coup, bah on le voit dans le dernier épisode. Enfin, moi, j'ai pas regardé tous les épisodes, mais on le voit quand même à la fin, dans une ultime vague. On voit que c'est lui Batman. C'est, en fait, il y a un cheminement de Bruce Wayne quand il... À partir du moment où il y a ses parents qui sont assassinés, jusqu'à ce qu'ils deviennent, ils prennent le costume de la chauve-souris, et c'est sur 5 saisons. Mais il y a plein d'incohérences. Les problèmes de continuité, bon, c'est pareil que pour Krypton. Après, quand tu fais une série, ben c'est un peu comme tout, quoi. Je pense qu'il faut arriver à se dire à un moment, voilà, fuck la continuité, c'est à part. Mais après, s'ils veulent tout le rattacher, ouais, à l'univers, mais si c'est des what if. C'est des what if alors à ce moment-là. Ouais, pourquoi pas dire que c'est un what if ou c'est un monde à part ou c'est, mais voilà, pour le rattacher seulement pour faire plaisir aux fans, moi je vois pas trop l'intérêt. Mm. Par contre, le problème c'est que l'univers est pas cohérent. Donc je veux bien que Gordon puisse battre des ennemis comme tu dis comme Mr. Freeze et tout, ouais. Mais c'est pas cohérent même avec le personnage de Gordon dans cette série-là. C'est ça. Parce que c'est un bête humain, il est pas entraîné, il est pas surentraîné. Voilà, c'est un flic, un bon flic, mais c'est tout. Bah, dans cette série-là, Gotham, t'as quand même l'impression qu'il pratique les arts martiaux depuis qu'il est gamin, quoi. Voilà, tandis que là, les super vilains, ils ont quand même leur pouvoir, quoi. Ouais. Il y a un rapport de force entre Gordon et les super vilains qui est faussé, tandis que si c'était un rapport de force avec Batman et les super vilains, c'était déjà moins faussé, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, bon là, quoi, c'est pas un petit peu sur Gotham. Et c'est vrai qu'on... on a fait une énorme digression parce que à la base on parlait des Watchmen. Mais on a bon. Fait une digressonne. Ouais. Le troll. Parler d'Alan Moore parce qu'Alan Moore, je sais pas si tu connais un petit peu l'auteur. Bon, c'est lui qui est à la base d'adaptations comme From Hell par exemple, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. C'était pas. Non, bah, c'est pas. Que j'avais le bon âge. C'est pas je l'ai du vu. Tout fidèle parce que. Le truc d'origine est assez trash. Dans... Bah, il est trash. Dans le truc d'origine, t'as quand même. Enfin, j'appelle Hulk, moi. T'as quand même Mr. Jekyll. Ouais. Mr. Hyde. Ouais. Enfin, le gros balèze qui bouffe l'homme invisible. Qui bouffe carrément, ah ouais. Donc, ouais, on est bien dans le cradingue, quoi. Ouais, et puis l'homme invisible, c'est un vrai traître, hein, dans la Ligue des Gentlemen. Oui, je sais que dans la nouvelle graphique, enfin, le roman graphique, c'est vraiment le salopard de l'histoire, quoi. Ouais, puis c'est. C'est un violeur et tout, hein. Ouais, puis ceux qui sauvent la Terre, c'est des mecs qui font des armes de destruction massive avec des bactéries, quoi. Donc, d'accord. Ouais, c'est pas la même chose. Allez, les gens, c'est particulier, hein. Frommel aussi était assez sec. Bon, le film, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Il y avait John Constantine. Il a inventé aussi le personnage de John Constantine. Alors, Constantine, je sais pas si tu as vu le film avec Keanu Reeves, qui est pas du tout fidèle aux comics. En même temps, je connaissais même pas le comics. Hein. Moi, je vais être honnête, quand j'ai vu le film, voilà, c'est juste parce qu'il y avait Keanu Reeves dedans, hein, que ça sortait après Matrix. Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir, ça risque d'être. D'ailleurs, l'empreinte de Matrix, elle est très forte dans ce film. Ah bah, carrément. Quand il passe d'un univers à l'autre, par exemple, dans une dimension, dans la dimension infernale, on va dire, avec toutes ces bestioles en CGI, bah, ça fait très Matrix, ça fait très Néo, hein. Ouais. Voilà, quoi. Voilà, mais, il y a aussi V for Vendetta aussi, tu l'as vu peut-être, c'est peut-être je l'ai pas vu celui-là. C'est peut-être l'une de ses meilleures adaptations. J'ai trouvé ça intéressant. V for Vendetta, il a été encensé par la critique. Ah oui, c'est très bon. Donc en général, moi quand c'est encensé par la critique, je vais pas le voir. Ah ouais, bah faut le voir quand même parce que bon, c'est fort psychologique comme film, hein. faut le savoir que il y a quelques scènes d'action mais c'est pas le truc principal, c'est plus la relation avec le personnage entre le personnage justicier et et le personnage qui est incarné par Natalie Portman, qui est quand même mieux que dans Thor, mais bon. Voilà, mais c'était pas compliqué quand même, hein, que dans Thor ou dans Star Wars, parce que des fois, quand elle se roule dans l'herbe avec Anakin. Mais voilà, quoi, V for Vendetta, bah, c'est l'une des meilleures adaptations de Alan Moore avec, je vais dire, Watchmen. Et il a fait aussi un roman, peut-être une histoire que tu connais, c'est Batman The Killing Joke, qui est un comics assez connu de The Batman. Killing Joke, il est quand même super connu. Ouais, ouais. Et il est super bien aussi, c'est la mort de Tim Drake, c'est ça ? Non, ça c'est dans le Un deuil dans la famille. Un deuil dans la famille. Donc là, c'est apparemment c'est le Joker qui tire sur Barbara Gordon, voilà, pour elle devient oracle, paralysée, et il torture son père dans une espèce de fête foraine. Et Burton s'est inspiré justement des origines du Joker, de ce Joker-là, qui tombe dans une cuve chimique et qui du coup récupère son visage complètement déformé, quoi. Voilà, quoi. Burton a jamais caché que c'était une des influences majeures pour le personnage du Joker, qui est joué par l'inénarrable Jack Nicholson. Moi, c'est toujours mon Joker préféré, mais bon, c'est un. Ça, on pourra en discuter des différents Jokers lors de notre super émission spéciale Batman. 80 ans de Batman. Ouais, 80 ans, il y en a beaucoup à dire. C'est pas bien pour un mec de 80 ans. Dont notamment The Dark Knight Returns, qui est un gros pavé aussi. Ça. Voilà, quoi. On a terminé avec les séries, on va dire les trucs un peu sérieux, quoi. On va passer à notre ami tout bleu. Tu le présentes ? Donc, c'est pas le grand Schtroumpf. Hein, donc, c'est Sonic the Hedgehog, donc le hérisson. Ah, je pense que les vieux gamers comme moi doivent bien connaître le personnage. Donc, Sonic le hérisson, apparu mascotte de Sega. C'est ça. Premier jeu vidéo, c'était un jeu de voiture où il servait de porte-clés. Donc il est sorti en 91, le premier jeu vidéo. Voilà, premier jeu vidéo, non, il est sorti un peu avant, c'était un jeu de voiture, et Sonic c'était juste un porte-clés. Ah d'accord. Et après ils ont fait Sonic The Hedgehog, donc un jeu vidéo sur Master System, et qui a pulvérisé les records de vente. Ouais. Hein. C'était le concurrent, comme tu le disais tout à l'heure, c'était le concurrent du petit plombier à moustache, quoi. Voilà, il y avait le petit plombier à moustache, Mario, et puis après il y avait le hérisson bleu. Donc Mario qui était un peu plus plan-plan à jouer, parce que c'était pas très rapide à jouer. Ouais. Et Sonic qui est toute berzingue dans tous les niveaux. Et puis là, c'était le Quicksilver de... C'était le Quicksilver de Sega, quoi, en fait. De Sega, ouais. Et puis... Ouais. Puis c'était carrément de la concurrence, enfin une guerre ouverte, hein. C'était même pas de la concurrence, c'était une guerre ouverte entre Sega et Nintendo. D'accord, ouais, c'est clair. Guerre gagnée par Nintendo, d'ailleurs. Bon, donc ce trailer, je citerai même pas le réalisateur, parce que je m'en fous d'ailleurs du jeu. Bah, si vous avez vu le trailer de Taxi 3, c'est la même chose, hein. Et hop, il se fait flasher au radar. Ah oui, cette espèce de trailer de concept qui est souvent repris avec le. Bah, il y avait pas que dans Taxi 3. Je sais pas si tu te souviens d'une bande annonce de. C'est dans Taxi 2. Ghost Rider. T'avais exactement le même truc. Hein. Ouais, à un moment, il pensait une espèce de radar. Puis t'as le Ghost Rider, Nicolas Cage, qui fonce. Ouf, puis lui, il crie tout, quoi. Même le radar, il prend flamme et tout. Donc je me suis dit, ouais, d'accord, Ghost Rider, c'est un peu mal barré. Bah, ils se renouvellent pas avec leur van, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, quoi, pour une troisième fois, t'as un radar qui capte, et puis t'as Cyclope, c'est l'acteur qui fait Cyclope dans les premiers X-Men. Ouais, et qui fait un chauffeur Uber dans un film avec un lapin aussi. Ouais. C'est quoi ce film ? Ouais, je sais plus, c'est pas Hop le film, un truc dans le genre. Pop ? Ah oui, je veux dire, ou... D'accord. Enfin, je l'ai pas vu non plus. Ouais, je l'ai pas vu, mais on s'en fout. Donc le mec, il sait juste conduire une voiture. Ouais. Pas très bon en Cyclope non plus, mais bon. Que dire dans ce trailer ? À part que on retrouve un Jim Carrey complètement survolté, on va dire. Voilà, c'est The Mask qui rencontre Sonic. Ouais. Il est complètement déjanté. Enfin, c'est Jim Carrey, hein, je pense qu'il doit être comme ça dans la vie de tous les jours, parce que je l'ai jamais connu sérieux, à part dans le nombre 23 ou des trucs comme ça. Truman Show, il était pas trop mal aussi. Ah, Truman Show, ouais. Ouais. Et puis là, bah, il incarne Robotnik ou Eggman en VO. Mm-hmm. Et puis, bon, à voir ce que ça va donner, mais ça va pas donner grand chose. Hein, d'après c'est plein de CGI, plein de trucs bizarres. Il y a des espèces de cercles à la Doctor Strange, même, je sais pas si tu les as remarqué. Bah, ça, c'est les rings. C'est dans le jeu, ça. Bah, normalement, c'est comme les pièces de Mario. Quand il en a 100, il passe en power-up. Et sinon, dans Sonic, un jeu vidéo, il doit passer à travers des énormes rings. Pour aller dans un autre monde, et je pense qu'ils sont servis de. Ouais, en gros, c'est un chapai, quoi. C'est à chaque fois qu'il utilise une ring, et paf, t'as vu, il sort dans un monde. Et c'est quoi, c'est des passages dimensionnels, c'est des trucs. Dans Sonic, c'est un peu dur à dire, c'est un jeu vidéo, donc ça sert à passer au niveau suivant. Ah, d'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une warp zone, quoi. Ouais, parce qu'à un moment, il y a une espèce de scène sur un toit, là, et puis il balance des espèces de cercles. Pour qu'il tombe pas dans le vide, j'ai pas bien compris l'affaire. C'est ça, en fait, il les téléporte. Ouais. Ça me fait penser au cercle de Hugo dans Wakfu, quoi. Mm. Bah, qu'est-ce qu'on a pensé du personnage? Est-ce qu'il est bien animé? Est-ce que bon, déjà on va être clair, c'est pas nous qui sommes visés, toi, clairement quoi. Bah, de toute façon, on va être clair, c'est un truc que j'irai pas voir. Ah non, on va pas y aller quoi. Même c'est dans la lignée de Pikachu quoi, à la rigueur. Alors voilà, Détective ouais. Pikachu est sorti il y a pas longtemps, ouais. Et il est encensé par la critique. Ouais. Là, Sonic apparemment, il est défoncé par les reviewers. C'est un truc, j'ai un peu du mal à croire, mais bon. Bah, même Durandal, il est bien aimé. Alors, oui, Durandal, deux choses. Soit il est sponsorisé, soit il est de mauvaise foi. Ouais. Ouais, bah, Durandal, des fois, il est un peu lourd, le mec. Hein. Mais, non, bon, le personnage est bien animé, il y a le truc. Mais, clairement, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu carré dans le surjeu, j'ai vu un personnage tout bleu qui ressemble à Quicksilver. Bon, je me suis dit, bon, allez, c'est pas pour moi, quoi. Ouais, c'est pas pour moi. Enfin, de toute façon, moi, dès que c'est bleu et que c'est en CGI, donc j'irai pas le voir. Donc là, voilà, les Schtroumpfs, j'irai pas le voir, Sonic, j'irai pas le voir, et Aladdin avec Will Smith, j'irai pas le voir. C'est vrai. Mais, bah, les Schtroumpfs, moi, je l'avais regardé parce que j'aimais bien le dessin animé. Donc j'avais regardé les films, qui étaient complètement nuls, d'ailleurs. À part peut-être le 3 qui était un peu plus réussi. Le 3 avec le village perdu, là, je sais ouais, pas c'était si c'était pas un film, c'était un dessin ouais, animé. Ouais, donc ça passait mieux. Mais sinon, avec les humains, c'était une catastrophe. D'ailleurs, Godzilla avec des humains, c'est une catastrophe. Bah ouais, ils font une histoire sur les humains. Ouais. On en a rien à foutre, on va voir des monstres se battre. Ouais, ouais, bah ils vont se taper sur la gueule. Mais voilà quoi, on en parle comme ça parce qu'on a envie de troller. Mais voilà quoi, bon, le petit bonhomme bleu, bah ouais, c'est pas pour nous, mais encore une fois, c'est du pur merchandising quoi. C'est un support promotionnel quoi. Ouais, c'est pour faire venir les nostalgiques. Et puis ceux qui connaissent Sonic Boom, les trucs comme ça, les gamins, mm-hmm. quoi, bah, c'est pour leur dire, venez, on a fait un film. Ouais. Il n'y a pas d'autre histoire que ça. Hein. C'est ça. Donc lors de la dernière célébration de Star Wars, qui a eu lieu à Chicago, nous avons pu voir quelques trailers, notamment de jeux vidéo, et pour inaugurer cette grande commémoration pour les fans de Star Wars, nous avons eu droit à un premier teaser pour l'épisode 9, Le Retour de la Momie, que j'appellerai comme ça, un peu pour troller. Parce que de toute façon, j'aime bien troller, vu que Star Wars 8 est un véritable troll pour moi, mais... Ouais, puis là, Star Wars 9, voilà, on va troller, mais ouais. Il nous tend de le bâton pour les bons l'étape. Disons que, voilà, quoi, on va pas te le faire, pour revenir sur l'expression. Voilà, donc, ce premier teaser de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, en français, où on voit d'abord Rey qui se prépare à se battre avec... une espèce de TIE Fighter. Bon, la scène est belle visuellement. Puis après, on a quelques scènes où on retrouve nos personnages, Poe Dameron et Finn, qui sont poursuivis par des espèces de chasseurs. Ça rappelle un peu cette scène de barge, tu sais, dans le Retour du Jedi. Ils sont en plein désert. Il y a un peu cette redondance déjà. Après, bon, il y a l'éternel Kylo Ren là, qui nous refait le coup du casque. Donc voilà quoi. Et puis, ça se termine sur ce que j'appelle un gros troll, un rire bien familier. Bon, moi, j'avais pas identifié l'empereur sur le coup, mais apparemment, il a été confirmé que l'empereur sera bien dans le film. Est-ce que ça va être un pilier central? Est-ce que ça va être une révélation? En tout cas, le spoiler est déjà bien cassé, pour moi. Je trouve que c'est pas très subtil. Vu que Snoke s'est fait dézinguer dans l'épisode 8, il fallait bien revenir avec un méchant et c'est pas très original de faire revenir Palpatine parce que c'est un arc qu'on avait déjà vu dans une bande dessinée qui s'appelait Dark Empire, donc l'Empire des Ténèbres en France, où justement Luke passait du côté obscur et devenait et prêtait allégeance à l'Empereur qui déclarait être un clone et détenir un laboratoire. Alors est-ce qu'on va avoir droit à cette espèce de répétition, parce que bon, J.J. Abrams il emballe bien les actions, mais au niveau scénario, il faut dire que le 7 était quand même une sacrée redondance de l'épisode 4. Bah, j'espère juste que ce ne sera pas une redondance du Retour du Jedi, parce que ouais, j'ai pas envie de voir des Ewoks se battre contre des Stormtroopers. Moi. D'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure, mais s'il y a bien une carcasse de l'étoile noire numéro 2, elle a bien atterri sur Endor, elle peut pas atterrir sur une autre planète, on est bien d'accord. Ouais, et puis c'est bizarre, ça fait penser à Tatooine... Avec cette histoire de barge, hein. Enfin le film, il est parti pour être barge de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà, moi, c'est un teaser qui m'a pas donné envie spécialement. Et ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas su identifier le rire de l'empereur. Moi, c'est quand j'ai vu les commentaires sur YouTube, je me suis dit, oh, merde, c'est l'empereur. Ils sont vraiment partis déterrer les cadavres. C'est pour ça que je sous-titrais Le Retour de la Momie, parce que moi, pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est, on trouve Imhotep, on va dire. Et il manque plus que Rick O'Donnell et sa copine Evelyn. Et qu'on retrouve un petit peu dans le personnage de Poe Dameron, Finn ou Rey. Donc le trio de tête, qu'on n'est pas vraiment impatient de retrouver pour moi, mais bon. Bah, c'est pas un teaser qui m'a donné envie de voir. Non, c'est clair, je crois qu'il va falloir attendre le gros trailer qui va certainement être disponible en octobre. Ouais. Et là, on aura un peu plus de sel. Par contre, il y a un truc très positif dans le trailer, c'est qu'on voit pas le général Hux qui m'irrite au plus haut point. Ah merde, ils m'ont pas mis le meilleur personnage. Par contre, on voit bien qu'il n'y a aucune continuité dans ce teaser, parce que on avait clairement détruit l'aspect un peu masque de Kylo Ren, et là il se sent obligé de le remettre. Ouais, c'est parce qu'il a pas fini sa crise d'adolescence. Alors... C'est ça. C'est voilà. Tout à fait ça. C'est un adolescent prépubère qui fait un caca nerveux en fait, Kylo Ren. Ouais, je trouve qu'un super méchant qui est comme ça, ça mérite un peu mieux. Oh, puis d'autre part, il faut quand même avouer que le super méchant lui-même, il est pas très intéressant. Voilà, c'est Anakin Skywalker, mais vraiment mauvais, quoi. Ouais, puis faire plus déterrer pas de platine, moi, je trouve pas ça. Ça me transcende pas, quoi. Pas de platine, mais. Le pain platine. Le platine, ouais, le pain platine. Digéoplatine, romaltine. Ouais. Enfin, bref, tous les vieux croutons n'en veulent plus, quoi, c'est ça. Bah, ça fait vraiment. Ils m'ont pété toute ma saga dans l'épisode d'avant. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Oh, bah, je vais aller déterrer un vieux machin et je vais le remettre. Hein. Bon, de toute façon, ça fera plaisir aux fans, ils iront les voir. C'est bon. D'autant que Snoke, il faisait la gueule quand il a été coupé en deux. Je sais pas si tu te souviens de cette scène complètement ridicule où il tire la langue. Ouais, mais quand il a été coupé en deux, j'ai pas été plié en quatre, mais ouais. Voilà, quoi. Ouais, il a pas vu arriver de loin, mais bon. Voilà tout ce qu'on pouvait un peu dire sur, je pense que ce 5 minutes sur un trailer de 2 minutes et quelques, c'est largement assez. Il fait pas même juste une minute, le trailer? Non, je crois qu'il fait à peu près 2 minutes. Voilà. Ouais. 2 minutes pour juger un film, bah en fait le film tôt, ouais. Star Wars 8 aurait pas dû durer plus de 2 minutes, donc voilà, c'est ouais, possible. Donc c'est vrai que c'était 2h30 je crois, Star Wars 8, du jeu. Oh, c'était long. De très long. Oh, c'était très long. Super long. Voilà, donc on va terminer sur ces bons mots. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.